C'est avec l'envie qu'on construit sa vie, qu'on va où l'on veut, accumulant les acquis. Ma vie un maquis assimilé à une destinée, non pas dessinée d'avance mais bien décidée. Décimée, mes phrases sommées sont précisées par mon style et mes idées, combien de fois dissimulées par un système qui décidément ne m'aime pas. Ma poste son fric, son JT de merde et ses lois. Moi je me dois entre ce que j'aime faire et le reste. Comparé à cela, ma passion en est le zeste, plus un geste. Toi, derrière tes enceintes jettes, ça remplace ta cigarette par un stylo et espoir. Pas de problème si tu me détestes, car mon ego ne s'ébranle pas. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Laisse la vraie guerre aux idiots qui ne comprennent pas qu'on a déjà assez de soucis comme ça, écoute ça. Une étoile, une poussière, une planète, un être sur ma toile, prière de ne pas se prendre pour un maître. On passe si vite de quelques centimètres à plus d'un mètre. C'est presque la fin, alors tu viens de naître. Un coup de hanche, 9 mois de patience, et la science fait que je me retrouve au milieu d'un décor déjà planté. Le dos marois, c'est convive et c'est contré. C'est une drôle d'histoire que je viens ici te conter. Les années passent, mais toujours ces questions ancrées. Qu'est-ce que je fais dans ce paysage? Je peins mon portrait. Une pensée pour tous ceux qui sur la vie ont tiré un trait. Comme une proie qu'on vise à bout portant. Ne t'en va pas, mon frère, écoute, c'est important. Même sans finalité, faut explorer le temps. De temps en temps, ne pas hésiter à remettre en question ses pensées, ses actions qui peuvent être malédictions. Surveiller sa diction, apprendre et hors de question. Que devant les ennuis, tu retournes ton veston dans l'oreille, un peu plus sur mes dictons. Aujourd'hui, je te parle d'évolution. Une étoile, une poussière, une planète, un être sur ma toile, prière de ne pas se prendre pour un maître. On passe si vite de quelques centimètres à plus d'un mètre. C'est presque la fin, alors tu viens de naître. Beaucoup de questions viennent à moi, viennent à comme moi. Elles viennent à tonton, comme elles viennent à toi. Beaucoup de pression se mêle à ça. En plus de ça, les médias ne sont pas avec toi. Donc ne fais pas le con, gars. Je n'ose pas le ton, car tu ne ferais pas attention à mon carton. Dessus écrit éclate-toi. Reste le regard droit au nord, arrière grand papa. Qu'il ne se doute pas qu'en bas ça pue le fric et les cache-bras. Le flip est trahison, le fils prend ta maison. Ta raison, sa psy tosse les épaules, yeah. Ma raison dit de prendre des leçons pour évoluer. Donc j'échange mes expériences. Je ne ramène pas ma science, laisse ça à la présidence. Du monde résident, on est tous ici dans une aventure unique. Non, ce n'est pas un accident. Une étoile, une poussière, une planète, un être sur ma toile, prière de ne pas se prendre pour un maître. On passe si vite de quelques centimètres à plus d'un mètre. C'est presque la fin, alors tu viens de naître. Une étoile, une poussière, une planète, un être sur ma toile,